بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. حقوق الزوجين، le droit des époux. Conférence donnée en direct de Beylux par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, حفظه الله تعالى. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا كثيرا وأبدا، وما بكم من نعمة فمن الله. ورمسي الله سبحانه وتعالى de tous les nombreux et multiples bienfaits qui nous donne jour et nuit. Et parmi les choses, ayu alikhatul karam, wassami'un, dont il incombe, plus particulièrement aux serviteurs, de se préoccuper et de méditer, ce sont sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné et de s'en rappeler. Car plus le serviteur méditera sur les bienfaits d'Allah azawajal, et plus il aimera Allah azawajal. Et plus il se rappellera des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, et plus il sera reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala, il a certes, yani, très fortement incité ses serviteurs à ce qu'ils se rappellent des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés. Qala jalla wa ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi vous connaîtrez par ceci la réussite. Allah azza wa jal, dans ce verset, et il nous expose clairement qu'il y a dans ces bienfaits un rappel pour celui qui souhaite s'en rappeler et réussir dans la vie d'ici-bas. فَذْكُرُوا أَلَىٰ أَلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Les voies de la réussite, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, dans l'islam, فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, elles sont nombreuses. Parmi elles, le fait de se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme قال جل وعلا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi vous réussirez. Et bien même l'une des plus illustres des voies par lesquelles le serviteur s'octroie la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, l'une de ses plus illustres de ces voies, c'est de se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a dans nos rappels, dans le fait de se rappeler des bienfaits d'Allah Azzawajal, un appel à être reconnaissant. Comme on a pu dire, plus tu vas te rappeler des bienfaits d'Allah Azzawajal sur toi, et plus tu vas, cela va t'appeler à être plus reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance n'est que la réelle authentification du véritable culte voué pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme قال جل وعلا وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ. Et soyez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est véritablement celui que vous adorez. Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé l'être humain, les djinns, la terre, les cieux et autres qu'en vue qu'il soit exclusivement adoré. Et l'authentification de cette adoration, de cette noble sagesse, elle passe par quoi? Par la reconnaissance, na'am, qui est une conséquence des rappels des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am wa shkurun lillah. إن كنتم إياه تعبدون. Et soyez reconnaissant vers Allah Azza wa Jal, c'est véritablement celui que vous adorez. Et inshallah, dans ces brefs instants, le bienfait dont il est important de se rappeler les uns les autres afin qu'on gagne la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est le bienfait de la vie conjugale. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, et ces signes évidents prouvant l'unicité d'Allah Azawajal, et qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection, de la bonté. Il y a dans cela des preuves pour une communauté qui réfléchit. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, nous montre bien que le bienfait de la vie conjugale et le bien-être qu'il a placé entre l'homme et la femme est un signe évident qui montre l'unicité d'Allah Azawajal et qui est une ni'ma pour Al-Khalq et qui est un bienfait pour cette humanité. Et il suffit comme honneur à ce bienfait qui est la vie conjugale qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placé à travers ce signe et la vue conjugale na'am, un signe évident qui prouve l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du qualificatif de la miséricorde par lequel Allah azawajal est qualifié. Car il y a dans la vue conjugale comme qala subhanahu wa ta'ala wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah, et il a placé entre vous la bonté et la miséricorde. Il y a dans la vue conjugale ce bienfait par lequel l'homme et la femme vivent en harmonie dans cette société. Sans ce bienfait, la vie de l'homme serait yani désorganisée, mal organisée. Car il y a là, dans ce bienfait et dans le fait de vivre avec une épouse, des piliers sur lesquels repose le bon cours de la vie de l'homme et kazalika de la femme. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il y a placé à travers ce bienfait-là un amour, une miséricorde, une tranquillité, une stabilité, un repos allégeant les durs moments de la vie d'ici-bas. Comme قال سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. Il y a là dans ce bienfait le bien-être qui coordonnera notre dîn et notre dunya. وألم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فيتق الله فيما بقي. Le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم n'a-t-il pas dit: celui qui se mariera aura complété la moitié de son dîn et reste au serviteur de compléter l'autre moitié par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith a été authentifié par Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah comme fi silsati sahiha. Les savants ont dit, comme c'est le cas de l'imam Al-Manawi dans Faïd Al-Qadir, ils ont dit que la vie conjugale est la moitié du dîn. Pourquoi? Car la vie conjugale préserve de la turpitude de Al-Fahsha wa zina wa ghayr dhalika min al-ashya allati la turdi Rabbuna subhanahu wa ta'ala. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يضمن لي ما بين لحيته وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري ومسلم من حديث سهل ابن سعد. النبي صلى الله عليه وسلم dit à travers ce hadith authentique: celui qui me garantit qu'il se préservera du mal de sa langue et de ses parties intimes, je lui garantirai le paradis. Le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith نعم a placé dans la moitié dans laquelle repose la préservation de la turpitude, l'entrée au Jannah, comme il a placé dans la moitié de la vie conjugale le complément du dîn. Cela pour nous dire que ce bienfait qui est la vue conjugale, il y a dans ce bienfait-là une harmonie et surtout une chose par laquelle Al-Abd il va s'épanouir dans sa dunya et dans son dîn, un pilier par lequel ou sur lequel est établi sa dunya et son dîn, le bien-être de sa dunya et de son dîn. Lakin, ceux qui profiteront pleinement du bienfait et du bien-être qu'il y a dans la vie conjugale et du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placé dedans parmi les mérites qu'on a pu citer auparavant, seront ceux qui auront observé les droits qui reviennent d'être observés entre le mari et la femme, entre l'époux et l'épouse. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Allah عز وجل dans ce verset nous informe que quiconque parmi les croyants, hommes ou femmes, qui aura œuvré pieusement, nous leur ferons vivre une vie agréable. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كما في شرح كشف الشبهات dans la مقدمة, dans la préface de ce شرح, il dit: الرجل الصالح من أدى حق الله وحق عباده Cheikh Al-Uthamin, alayhi rahmat Allah, nous dit que l'homme vertueux, celui qui œuvre pieusement, wa man ya'mal min as-salihat, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme قال Allah عز وجل dans l'aya, celui qui est qualifié des critères qui est dit l'homme vertueux, al-'abd as-salih, celui qui œuvre pieusement et celui qui s'acquitte du droit de son seigneur et de des serviteurs. Hadha huwa ar-rajul as-salih. Donc celui qui veut connaître la vie agréable dans la vie d'ici-bas, cela passe par le fait qu'il observe les droits qu'il doit s'acquitter envers les personnes auxquelles Allah Azza wa Jal leur a adressé un droit. Et parmi eux, les droits qui circulent entre l'homme et la femme. Donc celui qui veut vivre une vie agréable, qu'il s'acquitte des droits qu'il doit observer avec toute personne ayant un droit sur lui, comme c'est le cas du mari envers sa femme et de la femme envers son mari. Et sachez, وَفَقَنِي اللَّهُ وَيَّاكُمْ, que les problèmes qui surviennent dans les couples sont en grosse partie la conséquence des droits qui n'ont pas été observés. Car il y a dans ces droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont placé entre le mari et la femme une limite qui, quiconque de l'homme ou la femme la dépassera, aura transgressé. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah Azza wa Jal, comme il dit dans son kitab, il n'aime pas les transgresseurs, ceux qui dépassent les limites et qui n'observent pas les droits qu'ils doivent observer. Car il y a dans le fait de dépasser et de négliger les droits que tu dois observer une injustice. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, comme il dit جَلَّ وَعَلَى. Et celui qui dépasse et transgresse les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrits, ce sont eux les injustes. Et les mauvaises ententes qui surviennent kadhalika entre les couples, généralement, quand tu regardes bien, la cause de ces mauvaises ententes sont que les droits n'ont pas été observés les uns sur les autres. Et ça, comme on a pu le voir, c'est une injustice. Et l'injustice amène à ces discordes et à ces khilafat, ces divergences qu'on peut trouver chez certains couples. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ أَعْتِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ, رواه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم nous fait part dans ce hadith et plutôt ordonne et dit et donne le droit à tous ceux qui ont un droit envers toi. Et parmi eux, l'homme envers la femme et la femme envers l'homme, comme on va le voir inshallah tabarak wa ta'ala. Donc il revient à la femme, à l'épouse, avant tout, avant qu'on rentre et on détaille les droits que ont chacun du mari et de la femme sur l'autre. Il revient avant tout que la femme, plus particulièrement, elle sache que le droit de son mari envers elle est lourd et un grand dépôt et immensifié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yaqul wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Et celui qui immensifiera les préceptes d'Allah azza wa jalla, et ça passe par tout ce qu'Allah azza wa jalla il a légiféré, voici la piété des cœurs. Donc il revient à la femme, et aux musulmans de manière générale, d'immensifier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a immensifié. Car le dîn, comme on va le voir inshallah, il a élevé le droit du mari à un haut rang sur la femme. فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُهُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا, رواه الترمذي وهو حديث صحيح لغيره, كما قال شيخنا جميل سلوي حفظه الله تعالى. Si le prophète صلى الله عليه وسلم dit à travers ce hadith, si jamais j'aurais ordonné à une personne de se prosterner pour une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Et ma'ruf, la prosternation est un signe de distinction et de kadhalika de respect. Et la prosternation en est légiférée pour Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-mu'azzam, c'est celui qui est immensifié. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, n'incite pas à ce que la femme se prosterne réellement envers son mari, mais pour montrer le haut rang et degré du droit de l'homme envers la femme, car si jamais vraiment il aurait été légiféré, mais ce n'est pas le cas, qu'une personne se prosterne pour une autre, la femme aurait été plus en droit de le faire pour son mari, pour nous prouver que le droit du mari envers la femme est immense. La grandeur de ce droit est laissée apparaître à travers le fait que si jamais ceci aurait-elle légiféré, la femme aurait été en droit de se prosterner. Et la prosternation montre le degré et la haute valeur de la personne vers qui tu te prosternes. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul walladhi nafsi biyadihi law kana min qadamihi ay ar-rajul ila mafraqi ra'sihi qurhatan tanbajisu bil qayh was-sadid thumma istaqbalathu yani al-mar'a falahasathu ma addat haqqahu hasanun li ghayrihi et autant plutôt yani qualifié de fiable par l'imam Naham al-Sheikh Muqbil alayhi rahmatullah. De ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous informe et jure par celui qui détient son âme entre les mains qui est Allah azawajal que si jamais l'homme du pied, ou plutôt de la tête au pied, il y aurait du pus qui sortirait de son corps, de sa tête jusqu'à son pied, et ensuite la femme, yani, fastaqbalathu, elle serait mise devant lui pour enlever ce pus par sa langue, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'aurait même pas, yani, cet acte-là n'aurait pas suffi pour qu'elle accomplisse et s'acquitte du droit qu'elle a, que le mari a envers sa femme, pour nous montrer que le droit du mari, il est vraiment énorme. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا أوجب من حق زوج. Il n'y a pas un droit dont Allah عز وجل il a prescrit à la femme qui soit plus grand après le droit d'Allah عز وجل et le droit du prophète صلى الله عليه وسلم qui soit plus grand et plus obligé à la femme d'observer en dehors du droit du mari. Même ses parents, ceux qui sont la cause de son éducation, ceux qui sont la cause de sa présence dans la vie d'ici-bas, ceux qui sont la cause de beaucoup de choses de l'ihsan qu'ils ont eu envers cette fille-là, le droit des parents envers les enfants, il est énorme. Hatta, c'est le droit qui vient après le droit d'Allah Azzawajal. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans cette ayah qui est ma'ruf bi ayat al-huquq, le deuxième droit qui vient après le droit d'Allah Azzawajal, qui est de l'adorer sans lui associer, c'est le droit des parents. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous fait part que le droit du mari sur la femme est beaucoup plus grand que le droit des parents envers sa fille. Et ma'ruf, le droit des parents envers les enfants, c'est un grand droit. Ou yakfi fi dhalika qawl nabi sallam la yadkhulu al-janna 'aq. Celui qui aura rompu les droits, ou plutôt les liens de parenté, ne rentrera pas au paradis. Donc que dire de la femme qui aura rompu et n'aura pas observé le droit qu'il revient d'observer envers son mari. Et là, hadith, il nous prouve bien cela. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. كذلك le hadith dans lequel on a pu évoquer avant, si jamais elle venait à enlever le pus par sa langue, qui sort du corps de son mari, elle ne serait pas acquittée du droit qu'elle doit observer envers son mari. Donc ça, c'est une chose dont la femme doit bien mettre, qu'elle doit bien connaître et ne pas oublier que le droit de son mari est beaucoup plus grand et beaucoup plus énorme que le droit de ses parents. Et ma'ruf, la femme, ou plutôt les enfants, envers leurs parents, ils font preuve de respect. Ils respectent leurs parents et kadhalika, le respect que la femme doit avoir envers son mari doit être plus grand que le respect qu'elle avise et qu'elle adresse à ses parents. Comme a dit le Cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, le droit du mari est beaucoup plus impératif que le droit des parents envers la fille. Et parmi les droits de l'homme envers la femme, c'est qu'Allah azawajal il l'a placé comme personne autoritaire qui a tous les droits sur la femme bil ma'ruf, dans le convenable. كما قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah عز وجل dans ce verset là nous fait part que les hommes sont autoritaires et ont l'autorité sur les femmes. Pourquoi? بما فضل الله بعضهم على بعض. Car Allah سبحانه وتعالى les a favorisés en raison de ce qu'Allah سبحانه وتعالى il a accordé aux hommes. Et kazalika en raison de ce que les hommes dépensent pour leurs femmes. Et ma'ruf, na'am, ou kama qala, qabla thalika, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il nous dit, l'explication de ce verset est que Allah azawajal a placé le mari autoritaire comme le président sur Naam, son peuple. C'est-à-dire qu'il a l'autorité totale sur sa femme à partir que il ordonne, ou plutôt que ses ordres et naam, ses interdictions sont dans le convenable. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Tu dois pas, naam, tu dois pas obéir à un makhluq, à la créature, si jamais c'est dans la désobéissance du créateur. Le hadith est ma'ruf, muttafaqun alayhi, min hadith Aisha. Allah Azza wa Jal a favorisé Naam, comme l'a dit, il a dit dans ce verset-là, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Il a favorisé l'homme à la femme, كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. L'homme n'est pas semblable à la femme. وَكَذَلِكَ Allah Azza wa Jal a favorisé l'homme, car il l'a placé dans le genre de l'homme, النُّبُوَّة, la prophétie. Ma'ruf, la prophétie, c'est un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux femmes, et non pas, ou plutôt aux hommes, et non pas aux femmes. Yani, parmi les choses qu'ils ont évoquées, dont Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il a favorisé l'homme à la femme, et ils sont nombreux. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةَ إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. Dans ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur l'Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu an, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous fait part que beaucoup d'hommes ont atteint le statut de la perfection. Et au contraire des femmes. Il dit qu'il n'y a que Asiya, la femme de Pharaon, et Maryam bint Imran qui ont atteint ce stade de la perfection, pour nous dire que l'homme, Allah Azza wa Jal, il l'a favorisé à la femme. Il l'a favorisé à la femme. Et ce statut-là lui donne l'autorité sur la femme et kadhalika, en raison de ce que les hommes dépensent pour la femme. Parmi les droits de l'homme sur la femme, c'est que la femme, ou plutôt l'homme, après que Allah Azza wa Jal lui a prescrit cette autorité totale dans le convenable, c'est que la femme ne doit pas désobéir, et ou plutôt elle doit obéir selon son possible à l'homme et ne pas lui désobéir. كما قال الله سبحانه وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Et si jamais elles vous sont obéissantes, ne cherchez pas à vouloir les blâmer et autres. Donc Allah Azza wa Jal, il a affirmé dans cette ayah-là que l'homme doit, ou plutôt la femme doit obéir à l'homme. فإن أطعنكم, et si elles vous sont obéissantes, donc elle doit être obéissante à leur mari à partir du moment que ces ordres sont dans le convenable, comme on a pu évoquer avec le hadith, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kama fi hadith Abi Hurayra alladhi rawahu al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala bi sanadin hasan annahu qala qila ya rasulullah ayyu nisa khayrun fa qala allati tasurruhu ila idha nazar wa tuti'uhu idha amar wa la tukhalifuhu fima yakra fi nafsihi aw fi nafsiha wa malihi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné au sujet des meilleures femmes, il a dit, ce sont celles que lorsque tu les regardes, tu es réjoui. Et lorsque tu leur ordonnes une chose, elles t'obéissent. Et elles ne contredisent pas les choses que tu leur donnes. La tukhalifu fima yakra. Les choses que l'homme déteste, la femme ne doit pas s'adonner à ces choses-là. Ne doit pas s'adonner à ces choses-là. Donc ceci nous prouve, dans ce hadith-là nous prouve, que la femme doit obéir à son mari dans le convenable. Fil ma'ruf, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance est selon la capacité et le convenable. Kadhalika, parmi les droits de l'homme envers la femme, c'est que même la femme doit lui obéir, même si jamais cela va amener à ce qu'elle délaisse certaines des actes et d'adoration. Kama fi siyam. Il ne convient pas à la femme de jeûner si jamais son mari lui ordonne de délaisser le jeûne. Kama jaa dhalika fil hadith alladhi yani sanadkuruhu inshallah fi ma ba'd. Et parmi ces choses-là, kadhalika, parmi ce qui incombe ou qui rentre dans l'obéissance, dans le convenable, c'est qu'elle ne doit pas nuire à son mari. Elle ne doit pas nuire à son mari lorsqu'il lui ordonne une chose, qu'elle le fasse selon ses capacités et qu'elle ne nuit pas à son mari. Parmi les droits envers la femme, ou plutôt les droits de l'homme envers la femme, c'est qu'elle lui doit obéissance à partir du moment où il lui demande les rapports charnels. Elle ne doit pas refuser à partir du moment que le mari lui ordonne cela. كما جاء في ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية والذي نفسي بيدي من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فشهد حديث رابورتي بار الإمام البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم nous montre l'importance dont doit observer la femme envers son mari, surtout lorsque son mari l'appelle pour les plaisirs charnels. Elle ne doit pas refuser cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que si jamais elle s'y refuse, les anges vont la maudire jusqu'au matin. Les anges vont la maudire jusqu'au matin. En fait, ceci pour dire que les plaisirs charnels, ma'ruf, c'est souvent la nuit. Jusqu'au matin, c'est pour nous dire en vérité jusqu'à ce que la personne, ou plutôt son mari, l'agrée. Donc ceci nous montre que le fait de désobéir, que la femme désobéit à son homme sur ce genre de choses-là, ça fait partie des kabira. Car ma'ruf, al-kabira kama arrafahu al-ulama, comme l'ont défini les ulama, à partir du moment où Allah Azzawajal, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont évoqué à cette désobéissance une malédiction, ou bien que cette personne-là est exposée à l'enfer, ila akhirihi, ceci nous prouve que cette chose-là fait partie des kabira. Et les kabira, ma adraka ma al-kabira, wa man ya'si Allah wa rasulahu, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِنَ فِيهَا أَبَدَى. Celui qui désobéit Allah Azzawajal et son messager aura l'enfer pour demeure éternelle. C'est-à-dire qu'il s'expose à voir sa personne rentrer au enfer éternellement. وَفِي رِوَيَةٍ Allah subhanahu wa ta'ala il ne cessera d'être en colère envers cette femme qui s'est refusée au plaisir charnel lorsque son mari l'a appelée jusqu'à ce que son mari l'agrée. Donc ceci nous montre l'importance que doit observer la femme envers ce droit-là. Car il y a une malédiction des malaïkas qui souhaitent et aiment que son être, ou plutôt que sa personne, soit maudite. Et c'est les malaïkas. Alladhina la ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Sont ceux dont Allah azza wa jalla, ceux qui ne désobéissent pas à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne et font ce qu'Allah azza wa jalla leur ordonne. Ces personnes-là, ces malaïkas sont plus à même à ce que leur dua soit accepté. Donc que la femme prenne garde à cette chose-là, car les malaïkas, ceux qui sont les plus proches auprès d'Allah Azzawajal parmi ses créatures, font une dua et la maudit jusqu'à ce que l'homme l'agrée. Et kaza les cas, ceci expose le fait qu'elle s'y refuse son mari au mal. Car qu'elle m'a déjà, il y a un fi hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في سورة الشيطان وتدبر في سورة الشيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله. Dans ce hadith-là, elle est évoquée, rapporté par Muslim, selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, que la femme est tentatrice. Et si jamais l'homme voit dans une femme une chose qui va l'éprouver, qu'il retourne chez sa femme, c'est-à-dire qu'il va trouver ces choses-là, qu'il va la peser. Si la femme s'y refuse, elle va ouvrir par cela, sans même s'en rendre compte, un bab de mal, un char, à son mari. Et ma'ruf, yani, al-zina, c'est une chose qu'Allah azawajal, il n'agrée pas. Même si jamais le péché reviendra sur le mari, lakin kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tu'in 'ala ash-shaytan, la tu'in 'ala ash-shaytan, on ne doit pas être, ou plutôt s'entraider dans le mal et ouvrir les portes à nos frères, et kadhalika le mari envers sa femme à shaytan. Et ça, c'est une porte qui est une grande ouverte, le fait qu'elle s'y refuse au plaisir, au rapport charnel lorsque son mari l'appelle. Donc il y en a un droit qui est énorme et dont la femme doit observer. وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل إلى فراشها تأبى عليه وتقدم على صلاة الليل وإلى آخره فأجاب رحمه الله تعالى لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها أما قيام الليل وصيام النهار فتطوع فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة. Lorsque le Cheikh d'Islam il a été questionné au sujet d'une femme qui fait qiyam al-layl, qui fait siyam al-nahar et qui fait d'autres choses parmi les adorations surérogatoires et qui délaisse l'appel lorsque son mari l'appelle au plaisir charnel, il a dit ceci: لا يجوز, c'est une chose qui est interdite بالاتفاق المسلمين, Les musulmans sont tous unanimes que c'est une chose qui n'est pas autorisée à la femme. La tahillu laha, comme a dit le cheikh de l'islam, pourquoi ? Il dit parce que là, le droit de l'homme envers la femme est un droit qui est obligatoire. Amma ces choses-là, le fait de faire siyam, naam, surrogatoire, ce sont des choses qui sont recommandées. Donc comment on peut faire précéder la chose qui est recommandée à l'obligation, qui est de quoi ? D'obéir à son mari. D'obéir à son mari. Donc ceci nous prouve que ce droit-là ne doit pas être négligé. Ne doit pas être négligé. وكذلك من الحقوق التي يجب على المرأة مراعتها, c'est qu'elle doit, la femme doit observer les biens de son mari. Elle est comme gardienne des biens de son mari dans sa maison, dans ses biens. Et l'akhir, comme a dit subhanahu wa ta'ala, فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. Les servitrices qui sont pieuses, obéissantes et qui conservent les biens de leur mari lorsqu'ils sont absents. C'est-à-dire lorsque la personne est en voyage, la femme devient la gardienne des biens de son mari. Et elle ne doit pas négliger les biens de son mari. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. Les biens du mari, le hadith il est rapporté par Ibn Majah et autres, et authentifié par Cheikhana Jamil, hafizahullah ta'ala, le Nabi sallam nous informe dans ce hadith qu'il n'incombe pas à la femme de dépenser une chose parmi les biens de son mari que si jamais son mari lui donne l'autorisation pour cela. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, hafizatun il-ghayb, celles qui sont gardiennes des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de préserver. Et parmi cela, son argent est ilakhirihi, elle ne doit pas dépenser une chose à partir du moment où elle ne doit pas dépenser une chose que si son mari lui autorise. Donc ça, c'est un droit que la femme doit observer envers son mari. Un droit que la femme doit observer envers son mari. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tu'ti min baytiha shay'an, la tu'ti min baytihi shay'an illa bi'iznih. La femme ne doit pas donner une chose qui est présente dans le foyer que si jamais son mari lui donne l'autorisation. Qala fa in fa'alat dhalika kana lahu al-ajr wa 'alayha al-wizr. Si la femme fait cette chose-là, qu'elle dépense ou donne une chose du foyer sans l'autorisation du mari, la récompense reviendra au mari et le péché pour la femme, c'est-à-dire ma'ruf, car cette chose-là ne lui appartient pas. Les choses qui sont dans la maison sont les biens du mari. Donc elle ne doit pas les dépenser que si jamais son mari lui donne l'autorisation. Si jamais elle fait cela, elle aura un péché. Et ma'ruf, yani c'est bil ma'ruf. C'est-à-dire que pour un grain de sel ou un peu de sucre et l'akhirihi, ce sont des choses, inshallah, bil ma'ruf, que c'est connu que le mari, inshallah, il accepte et il autorise, même si jamais il n'a pas donné au préalable son autorisation. Et kadha lika, si jamais on va le voir, inshallah, le mari, il a de la négligence dans ses dépenses. Il ne donne pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de donner à son épouse et kadha lika pour ses enfants. Comme dit un hadith Hind, lorsque son mari était shahih, c'est-à-dire qu'il était un peu avare, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit de prendre de son argent, de cette personne-là, de son argent, tamam, de Sofiane, de Abu Sofiane, de prendre de son argent dans le convenable, c'est-à-dire pour combler la négligence de son mari dans les dépenses. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé à la femme de demander l'autorisation à son mari, elle prend de ces biens-là, car ça c'est un bien qu'Allah azawajal, il a ordonné que le mari il sorte. Donc ça c'est une cause, ou plutôt une situation qui exclut le fait que tu demandes l'autorisation. Kadhalika, que le mari, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas la taper. Tamam, il ne doit pas la taper. Comme Allah nabi sallam, la tadribuha fil wajh. Wa qala nabi sallam, la tadribuha darban la tadribuha darban mubarriha. Si jamais il la tape, il ne doit pas la taper. S'il veut la corriger, il ne la tape pas comme il tape un homme ou bien sa servante. Tamam. Il doit la taper de manière à ce qu'il ne lui fasse pas mal et qu'elle comprenne à travers cet acte-là qu'il veut la corriger. Tamam, qu'il veut la corriger. Et كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجرها إلا في البيت. Si jamais il veut la mettre en quarantaine, si on peut dire cela, il le fait que dans le bait. Il ne montre pas l'hostilité et le dégoût et la répulsion qu'il a envers sa femme que lorsqu'il est dans la maison. Inch'Allah, les droits de la femme envers son mari, car chacun des deux ont des droits envers les autres. Il faut qu'Adalika, que l'homme, il sache qu'il n'est pas le roi, le pacha, à qui on doit lui obéir au doigt et à l'œil. Qu'Adalika, la femme, elle a des droits envers son mari que le mari doit observer. Faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa inna li zawjika alayka haqqan. Et ta femme a des droits sur toi. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni uharriju ilayka haqq ad-da'ifayn, haqq al-yatim wa al-mar'a. Et ces hadiths-là sont authentifiés, le premier dans le Bukhari et le deuxième rapporté par An-Nasa'i et d'une chaîne de transmission qui est fiable. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que je me désavoue des personnes qui ont de la négligence envers les droits des faibles. Et qui sont ces personnes-là? Les orphelins et la femme. Les orphelins et la femme. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a al-haqqa kama qala al-ulama al-dhanbu biman fa'ala dhalika ila Allah azza wa jalla. Il demande à Allah azza wa jalla que ces personnes-là qui ont de la négligence envers les faibles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de eux. Inna harriju ilayka haqq ad-da'ifayn. Donc qu'il sache très très bien qu'il a, que le mari, ou plutôt que la femme, a un droit envers son mari. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fattaqullaha fi an-nisa. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fastawsu bin-nisa khayra. Et d'autres parmi les hadiths qui montrent que la femme a un droit envers le mari, que le mari ne doit pas négliger. Ces hadiths-là, ils ont été évoqués dans les deux recueils, Bukhari wa Muslim. Parmi les droits de la femme envers l'homme, que l'homme doit observer, awalan, les droits sont multiples, inshallah on va évoquer les plus importants. Awalan, c'est qu'il s'acquitte des droits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé qu'elle devienne sa femme. Si jamais ils se sont mis d'accord sur des droits lorsqu'ils se sont mariés, فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. الحديث il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Uqba ibn Amir, dans lequel النبي صلى الله عليه وسلم dit: les droits dont vous êtes les plus en droit de vous acquitter sont ceux par lesquels vous êtes vu autoriser les plaisirs charnels envers vos époux. Donc si jamais des accords ont été mis avant le mariage, avant l'acte de mariage, le mari doit les respecter et s'y acquitter. Ça fait partie des droits qu'ont les femmes envers leur mari. Et ça, si jamais ils ne respectent pas, ça peut être une chose qui quoi annule le mariage. Car ma'rouf, al-shart, comme a dit al-ulama, huwa ma awjaba al-mashrut. Wa illa yujad, fa huwa yunfil al-mashrut. À partir du moment que la condition n'est pas respectée, elle va annuler la chose qui est conditionnée. C'est-à-dire l'acte de mariage. S'ils se sont mis d'accord sur des choses et ils ont conditionné cela, si le mari ne le respecte pas ou a une négligence totale dans cela, c'est une cause qui peut voir par cela que le mariage soit annulé. Kadalika, le droit qu'il doit observer le mari envers sa femme, c'est qu'il vive avec elle dans le convenable. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa akraha » ولا تعدلوهن لتذهبوا بما ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف الشاهد dans cette aya Allah عز وجل a ordonné au mari qu'il vive avec leur épouse de manière convenable dans بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. Et cela passe par le fait qu'il doit avoir de la douceur envers sa femme, il doit être doux envers sa femme. Et ça passe par le fait qu'il ne la tape pas et qu'il ne la corrige pas pour n'importe quelle raison. Pour n'importe quelle raison. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yafruq mu'minu mu'mina in sakhata minha khulqan radiya 'anha minha akhar. Que le croyant ne soit pas en colère envers la croyante, c'est-à-dire envers sa femme. Si jamais il voit en elle une chose qu'il déteste, il va certes voir en elle des choses qu'il aime. Donc, fermer les yeux des fois sur des choses à partir du moment que ce n'est pas une ma'asiyah, tamam, elle ne t'a pas obéi lorsque tu lui as demandé de te faire tel ou tel repas ou autre parmi les exemples, et tu prends pour cela al-ghadab, tamam, tu te fâches pour cela, c'est une cause peut-être que par laquelle tu vas être fâché, laquelle n'oublie pas que cette femme-là, elle a des bons côtés. N'oublie pas, ou plutôt que les mauvais côtés que tu peux trouver dans ta femme, tamam, ne te fasse pas oublier les bons côtés qu'a ta femme. Il faut que le mari il fasse preuve qu'à des cas de patience et que ce ne soit pas au premier conflit qu'il s'énerve et que qui prononce le divorce et autres. Il doit patienter et ne pas oublier que la femme, même si jamais elle a de mauvais côtés, kazalika, qu'elle a d'énormes bons côtés. Wa kazalika, vivre dans le convenable, ça passe par le fait que le mari, il honore sa femme. Il ne doit pas être toujours dur avec elle, être avare, donner juste al wajib. Non, il faut que tu fasses des cadeaux à ta femme. Il faut que tu sois bon envers elle. Ceci passe par le fait que tu vives avec elle de manière convenable. Comme قال Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et ma'ruf, al-ihsan, yuzid al-ihsan. Hal jaza al-ihsan illa al-ihsan. Si jamais tu es bon envers quelqu'un, ça va ouvrir les portes à ce que cette personne-là devienne, kazalika, bon envers toi. Comme قال جل وعلا, hal jaza al-ihsan illa al-ihsan. Est-ce que la récompense du bel acte n'est que la personne, n'est que la personne de récompense kazalika par un bon acte. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نعم من أحسن إليكم معروفا فكافئوه. Celui qui vous a fait qui a été bon envers vous, il faut que toi tu lui renvoies l'ascenseur, tamam, yani dans le bima'na al-hadith. Donc le fait que tu sois bon envers ta femme, que tu l'honores, que tu lui fasses des cadeaux et la akhirihi, ça fait partie des choses dont Allah Azza wa Jalla il a ordonné selon le convenable, tamam. Et en plus par ce biais-là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme a akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la femme, inshallah, si jamais elle est bonne, elle va te rendre le bon par le bon. Tamam. وكذلك, parmi les choses qui sont comprises dans le fait que l'homme doit être bon envers sa femme, tamam, il vit avec elle d'une manière convenable, le fait qu'il joue avec elle. Tamam. Joue avec elle, c'est pas te mépriser ou bien rabaisser ta personne si jamais tu joues avec ta femme, tamam, ayant avec elle des plaisirs autres que le plaisir charnel, tamam, s'amuser avec elle, il a khirihi, ça kazalika, comme on dit le ulama, ça rentre dans le fait de vivre avec elle d'une bonne manière. Wa kazalika, de vivre d'une bonne manière avec elle de manière convenable, ça passe par le fait que le mari doit patienter et savoir que la femme, comme tout autre être humain, elle a ses défauts, kazalika, les hommes. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama fi hadith Abi Huraira, muttafaqun alayhi, qala أن أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم تزل أو لم تزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous recommande d'être bon envers nos épouses en disant car elles ont été créées de la côte de Adam, c'est-à-dire qu'elles ont en elles certains défauts, qu'elles ont en elles, certains défauts qui sont inséparables, yani, à la femme. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. Si jamais tu veux redresser ces défauts-là, car elles ont été créées avec ces défauts-là qui sont inséparables, qui sont telles, à la courbe d'une côte, si jamais tu veux le redresser, ces choses-là qui sont inséparables à la femme, قال النبي صلى الله عليه وسلم, كَسَرْتَهُ. Tu vas la casser. Car c'est une chose que tu ne peux redresser. Si jamais le mari ne fait pas preuve de patience sur certaines choses qui ne sont pas des ma'asiyah, certaines choses il peut fermer les yeux sur cela, s'il ne fait pas preuve de patience sur ces choses-là, eh bien cette chose-là va amener au divorce comme قال النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith, dans une autre version, وَإِنَّ كَسَرَهَا طَلَاقَهَا. Et le fait que tu casses cette côte-là, c'est semblable, plutôt, yani, c'est signe et synonyme de quoi? De divorce. Donc, faire patience sur des choses dont l'homme il peut fermer les yeux, qui ne font pas partie de ma'asiyah. Amma in kana min ma'asiyatin, fa la bud min ash nasiha wa taqwim. Le mari doit redresser sa femme lorsque il fait partie des ma'asi. Amma les choses sur lesquelles il peut fermer les yeux, sur les choses qui sont mubaha, inshallah qu'il fasse preuve de patience, car comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne faut pas qu'il oublie ça le mari. Il ne faut pas qu'il oublie ça le mari. Lors des conflits, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'il ferme les yeux et que qu'il ne soit pas en colère et qu'il ferme les yeux, inshallah. Aujourd'hui, ça s'est mal passé. Inshallah, il ferme les yeux et demain, inshallah, ça sera mieux. Demain, ça sera mieux. Et qu'il n'oublie pas cela. Il ne faut pas qu'il oublie cela. Car s'il oublie cela, c'est comme si jamais il s'était volontairement, il avait volontairement agréé le fait qu'il a divorce. Car il y a des choses qu'il faut fermer les yeux dessus dans la vie conjugale. Et qu'à ça, parmi les droits qui revient au mari de s'acquitter envers la femme, c'est qu'il doit la corriger et kazalika, qu'il doit lui enseigner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de mettre en application dans ses jours et nuits. Faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min hadith ibn Umar radiyallahu anhu, متفق عليه قال الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique que le mari est responsable et il est autoritaire sur sa femme et sera amené à rendre compte yawm al-qiyama sur cette responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Cette responsabilité, cette autorité, elle ne passe pas par le simple fait que tu dises fais, ne fais pas. Non, kazalika, tu dois te dégager de cette responsabilité en enseignant à ta femme les choses et les préceptes du din. Et le fait que le mari il ait une négligence dans cela, ça va ouvrir la porte à ce que la femme néglige et lui soit désobéissante. Car si jamais tu n'enseignes pas l'obéissance et les choses qu'elle doit connaître, ne t'étonne pas après si jamais elle ne répond pas à tes appels. Car le fait que tu délaisses que tu as la négligence dans les choses que tu dois lui apprendre, cela va ouvrir les portes au conflit et à la divergence et autres parmi les choses qui surviennent dans la vie conjugale. Donc le mari se doit d'enseigner et apprendre à sa femme son din. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه متفق عليه قال ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران دو سو حديثة النبي صلى الله عليه وسلم دي trois catégories de personnes auront deux récompenses. Celui qui aura cru à Naam Aïssa et ensuite il aura cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura deux récompenses parce qu'il aura cru à Aïssa comme c'était à l'époque de la pré-islam et ensuite il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika al-abd al-mamlouk, le servant, tamam, l'esclave à partir du moment qu'il s'acquitte du droit qu'il a envers Allah azawajal et de son maître. Et kadhalika qu'a Nabi sallam al-rajul al-ladhi kanat 'indahu amma, celui qui avait une esclave. Il a corrigé et kazalika il l'a enseigné jusqu'au jour où il a affranchi et ensuite il l'a marié. Il dit kazalika Nabi sallam, cette personne-là aura deux récompenses. Shahid, c'est que Nabi sallam, il a rétribué la double récompense au maître qui avait une esclave par le fait qu'il lui a enseigné et il l'a corrigé. Donc, si jamais il a deux récompenses, que dire alors lorsque le maître il enseigne à son esclave, que dire du mari qui enseigne kazalika à sa femme, comme قال شيخنا نعم شيخ جميل حفظه الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه عن مالك بن الحويرث lorsqu'il lui a enseigné النبي صلى الله عليه وسلم la prière, ensuite il a dit ارجعوا, ils étaient en groupe, il a dit ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم الصلاه وعلموهم ومروهم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces personnes-là sont venues pour étudier auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu qu'ils avaient un besoin de retourner vers leur famille, car ils étaient jeunes, il a ordonné à ces personnes-là, ou plutôt recommandé, qu'ils retournent vers leur famille et qu'ils leur enseignent ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et qu'ils leur ordonnent ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné de faire. Donc que dire, si jamais le fils doit apprendre lorsqu'il a des enseignes dans le din à sa famille, que dire alors du mari qui néglige les enseignements qu'il doit donner à sa femme, parmi les choses qu'Allah Azzawajal lui a donné dans l'ilm. Enseigner à sa famille, ça c'est sunnat al-mursalin, c'est la sunnah des envoyés. Qui m'a dit subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de ordonner à sa famille, ou plutôt à sa famille, naam, la prière et de patienter. Donc ordonner la prière, c'est lui apprendre comment s'acquitter de la prière et comment accomplir la prière. Donc ça passe par l'enseignement et par le fait que tu lui apprends. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إسماعيل était un prophète et un envoyé qui ordonnait à sa femme, à sa famille, la prière et la zaka. Donc كذلك ça passe par le fait de leur apprendre qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que la zaka, quelles sont leurs conditions, et Allah subhanahu wa ta'ala, il était auprès d'Allah azawajal parmi les personnes qui Allah azawajal il agrée. Donc le mari, kazalika, lorsqu'il enseigne à sa famille, à sa femme, il voit par là emprunter la voie des messagers dans l'enseignement, lorsqu'il apprenait à leur famille ce qu'Allah azawajal a ordonné aux femmes de connaître. Kazalika, il incombe au mari de dépenser pour sa femme. Bil ma'ruf. Et kadalika, il doit la loger. Elle doit avoir un foyer. Ça, c'est les choses qui incombent au mari de faire. Et kadalika, na'am, yani que, na'am, il l'habille, il a khidé, comme on va le voir à travers les hadiths. Et les ayahs. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف. Il incombe au mari, même au père de leur enfant, qu'il donne à leur femme la subsistance et kadalika qu'il les habille. Ça, c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a visé aux époux. Lakin qala bil ma'ruf, c'est-à-dire qu'elle ne demande pas les habits les plus luxueux ou bien les repas les plus luxueux. Lakin bil ma'ruf, des choses qui sont convenables et qui sont connues auprès des gens. La hada wa la hada. Alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Comme قال سبحانه وتعالى. Lorsqu'ils dépensent ni dans la démesure ni كذلك يمسكون. Et ni sont avares. Lakin le juste milieu. Wa khayrul umur wasatuha comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. Wa qala an-nabi صلى الله عليه وسلم ala wa haqquhun alaykum an tuhsinu ilayhin fi kiswatihin wa ta'amihin. Et dit le Nabi صلى الله عليه وسلم parmi les droits qui vous revient envers les femmes, c'est que vous soyez bon envers elles lorsque vous les nourrissez et lorsque vous les habillez. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour les personnes qui négligent ce droit-là, qu'ont les femmes envers leur époux, c'est-à-dire de bien les nourrir et de les bien les habiller, fa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Il suffit comme péché pour que cette personne-là soit blâmée qu'il néglige les droits qu'il doit observer envers sa famille. An yudayya man yaqut. Ceux qui sont sous sa responsabilité et sous son autorité, ceux dont un Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié comme personne du péché abominable, ceux qui n'observent pas ces choses-là, c'est-à-dire de nourrir les personnes et d'habiller les personnes qui sont sous son autorité. Et qu'a dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu te nourris d'une chose, qu'a dit qu'il te convient, il convient au mari de nourrir la femme de la même chose, t'as même, et c'est pas dire, ça veut pas dire ni la même, vraiment la même chose, laquelle, c'est pas, tu manges un repas, t'as même, dont toi tu aimes, et ta femme, kadalika, elle aime, et toi tu lui donnes pas. Là, kadalika, il faut que tu fasses preuve d'équité et de justice. Lorsque tu te nourris, kadalika, lorsque tu t'habilles. Tu ne portes pas les plus beaux habits, et ta femme, tu lui donnes les vêtements, yani, qui sont en dehors de cela. Il faut observer l'équité dans ces choses-là, comme قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, les droits de la femme envers le mari et du mari envers la femme, ils sont nombreux. Kadalika, que le mari, qui m'a dit le Nabi sallam, la tadribuha fil wajh. Wa qala le Nabi sallam, la tadribuha darban mubarriha. Si jamais il la tape, il ne doit pas la taper s'il veut la corriger. Il ne la tape pas comme il tape un homme ou bien sa servante, tamam. Il doit la taper de manière à ce qu'il ne lui fasse pas mal et qu'elle comprenne à travers cet acte-là qu'il veut la corriger. Tam, qui veut la corriger. Et كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجرها الا في البيت. Si jamais il veut la mettre en quarantaine, si on peut dire cela, il le fait que dans le bait. Il ne montre pas l'hostilité et le dégoût et la répulsion qu'il a envers sa femme que lorsqu'il est dans la maison. Les droits de la femme envers le mari et du mari envers la femme, ils sont nombreux et on se suffit de cela. Et inchallah, pour les personnes qui veulent un tawassu, s'élargir sur ce sujet, on leur recommande l'excellent ouvrage des Cheikhana. Naam Abu Abd al-Rahman, Cheikh Jamil Asselwi, qui est le Cheikh du centre d'études à Bayda. Il a un livre dans cela qui s'appelle Qurratu Ayn bi bayan huquq az-zawjayn. Il a écrit un ouvrage dans cela dont on recommande aux personnes et surtout aux époux pour vivre inshallah tabaraka wa ta'ala une vie agréable comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a garantie pour les personnes qui œuvrent pieusement. On leur recommande de documenter cet ouvrage-là, car, Inch'Allah, dans cet ouvrage-là, il y a une suffisance pour les personnes qui veulent vivre une vie agréable dans les moments, ou plutôt dans les rapports conjugaux qu'ils ont envers leurs épouses. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on se suffit de cela, et Inch'Allah, on se quitte sur cela. Wa barakallahu fikum ala al-hudur, nas'Allah subhanahu wa ta'ala, an yanfa'ana bima sami'ana, wa an yarzuqana ilman yanfa'ana, wa sallillahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وفيكم بارك الله مع تحية دماج أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.